Barabansai Sky Bravis Barabansai Pure Love Story King King King Fali. Baby, je t'emmène de toi, mon amour, pardonne-moi. Toi et moi, c'est pour toute la vie, I am sorry. Baby, I love you. Miso mi, mia, choko na ufanya. Weni, miso mi. Il est dingue, dingue, dingue de haut, Catherine. Pardonne-moi. Ma vie de la gomme pour moi, effacée pour moi, oubliée. Mia, soukoura, koumana. Béni, wahou, nissi, ou béni. Baby, j'ai tant besoin de toi, mon amour, pardonne-moi. Toi et moi, c'est pour toute la vie, I am sorry. Baby, I love you. Besoin de toi, mon amour, c'est toi que j'aime. I am crazy, mon amour est crazy. Music is on TV, the crazy FM. Wally, wally, wally, ma, mon amour est wally, wally, mini, si, ou, ven, la, wangi, na, si, ta, ne, ka, si, de, wally, wally, se, ke, la, no, ambi, ma, si, su, ta, mani, a, frira, la, ma, haba, ma, no, mu, su, ri, mu, ri, li, frira, ri, so, para, na, le, ra, mo, ja, ri, so, ven, za, na, su, ku, mo, ja, ri, ren, za, ne, ra, si, ma, ne. Baby, j'ai tant besoin de toi, mon amour, pardonne-moi. Toi et moi, c'est pour toute la vie, I am sorry. Baby, I love you. I am sorry for you. Baby, ni swami hi. Désolé pour Kafri. Baby, j'ai tant besoin de toi, mon amour, pardonne-moi. Toi et moi, c'est pour toute la vie, I am sorry. Baby, I love you. Baby, j'ai tant besoin de toi, mon amour, pardonne-moi. Toi et moi, c'est pour toute la vie, I am sorry. Baby, I love you. Je le crois pas. On va rester coincés ici, les mecs. Arrêtez, je veux sortir. Vous comprenez pas ce qui se passe. C'est fini, les gars, y'a plus rien à voir.